nous avons quitté Paris et que tu aimes d'être en Italie. Tu déclenches une vraie révolution quand tu apparais. Les filles s'arrachent ton blouson doré, se précipitent pour mieux t'embrasser. Et toi tu croules sous leur bachi, leur baiser. Chaque jour contre une balance, elle rigolerait bien. À la maison tu ne tiens pas debout, mais le soir devant elle tu fais la roue. Ce qui m'énerve c'est